Bonjour, ici Valérie Levé et vous écoutez CKRL 89.1 et c'est l'heure de votre magazine de culture scientifique Futur Simple. Aujourd'hui, il sera question d'état. Alors, quels états? Eh bien, par exemple, l'état d'ébriété après consommation d'alcool ou état altéré par la consommation de drogue. Et cela nous amènera en deuxième partie d'émission à explorer les effets de l'alcool et du cannabis sur le cerveau. Et pour le moment, c'est du quatrième état de la matière dont nous allons parler. Ce quatrième état, c'est celui des plasmas. Un état difficile à cerner et pour nous aider à y voir clair dans cet état un peu nébuleux, j'ai invité Jacopo Profili. Il est chercheur entrepreneur à l'Université Laval et aussi membre du Centre québécois sur les matériaux fonctionnels. Bonjour Jacopo. Bonjour Valérie, bonjour tout le monde. Alors on dit que le plasma c'est le quatrième état de la matière, donc on sait que les trois autres c'est l'état solide, liquide et gazeux. Et pourtant quand on visualise du plasma, on s'imagine un état gazeux. Mais justement, puisque c'est le quatrième état de la matière, c'est pas du gaz. Donc, Jacopo, qu'est-ce que c'est que ce quatrième état de la matière qu'est le plasma? Le plasma, en fait, c'est un gaz ionisé. Ce qu'on fait, c'est qu'on prend un gaz et on extrait des électrons et des ions. On se trouve avec une grosse soupe, avec plein des espèces ensemble. Et ça, c'est le plasma. D'accord. Donc, mais ça peut être juste un élément seulement, juste du plasma, je sais pas, d'hydrogène, du plasma d'aluminium. Effectivement. Ou ça peut être un mélange. Ça peut être un état fait par un seul élément, comme tu dis, l'hydrogène, l'hélium. Ça peut être un mélange. C'est vraiment, on arrive à l'état gazeux, peu importe comment, et après on amène un peu plus d'énergie pour passer à cet état plasma et arracher les électrons finalement des atomes ou des molécules. Finalement, des électrons et des ions, on les trouve un petit peu partout, même dans l'air. Là, actuellement, il y en a plein. Mais donc, l'air, est-ce que c'est un plasma? C'est ça la question. C'est pas ionisé, en tout cas, je sais pas. C'est pas suffisamment ionisé. C'est comme, il y a un taux à partir duquel, finalement, il y a assez de particules chargées, où on définit ça comme un état plasma. Parce qu'il va y avoir un comportement collectif de toutes ces particules chargées, par rapport à un champ électrique, par exemple. Et là, il y a des nouveaux phénomènes physiques et chimiques qui interviennent, qui font qu'on doit définir un nouveau état. Donc, il y a un peu une limite entre un gaz et un gaz ionisé, entre l'air et l'air ionisé, pour définir c'est quoi un plasma. Donc, si on a enlevé les électrons, donc ce plasma qui est ionisé, il est positif, il a une charge positive? La définition correcte, scientifique, et là, je vais prendre le chapeau de chercheur à fond, là. Un plasma est un gaz neutre, globalement neutre, c'est-à-dire qu'on a autant de charges positives que des charges négatives. Si cela n'est pas le cas, en fait, si on n'est pas devant un plasma, on appelle en physique, on appelle ça une décharge. Donc ça peut être plutôt positif, plutôt négatif, mais ce qu'il faut considérer c'est qu'on a toujours un petit peu de charges négatives ou positives. Okay. Donc simplement, en fait, les électrons sont toujours là, mais ils ne sont pas liés dans la structure atomique ordinaire, comme c'est le cas dans les autres états? Non, en fait, les électrons, dans ces cas-là, sont vraiment détachés de leur liaison, entre guillemets, de leur connexion avec l'élément ou la molécule, et vont librement, en fait, un peu partout. Et on se retrouve finalement avec les ions, parce que quand on enlève un électron d'un atome ou d'une molécule, on se retrouve avec un ion. Et finalement, on va voir ces petites particules chargées qui bougent. Qui se promènent, qui ça se fait promènent. Une soupe, finalement, comme une soupe. C'est une petite soupe, c'est vraiment une petite soupe. Peut-être qu'on n'en mangerait pas de cette petite soupe-là. Donc, c'est quand même, ça a l'air quand même un petit peu compliqué comme ça à s'imaginer, mais pourtant, on en a tous déjà vu du plasma. Ah ouais, partout, là. Il y en a partout. En fait, sur Terre, c'est un petit peu plus compliqué, mais si on regarde un peu plus loin dans l'espace, on se retrouve par exemple dans les nébuleuses. Les nébuleuses, c'est un état plasma. par exemple. Et ce qui est intéressant là-dedans, c'est que les nébuleuses, c'est un état plasma, c'est énorme. Hein? Les nébuleuses, ça prend plusieurs années-lumière, là, un diamètre. Et c'est là-dedans, en fait, qu'on voit naître la vie, entre guillemets, parce que c'est les planètes, elles naissent à l'intérieur d'une nébuleuse. Donc, dans le plasma, on a un peu une sorte de chimie primordiale qui est à la base de l'existence de l'univers, finalement. Maintenant, si on ramène ça plutôt sur Terre, là, on peut le retrouver, par exemple, dans les foudres. Dans la foudre. La foudre. On a, dans les nuages, finalement, on a plein de particules chargées, finalement, qui vont permettre d'avoir ce qu'on appelle un champ électrique. Parce qu'il va y avoir, par exemple, des charges positives, et il va y avoir, à un moment donné, dans le même nuage, des charges négatives à un autre endroit. Donc, on parle de plusieurs mètres, là. Et finalement, il va y avoir cette différence des charges, va créer ce qu'on appelle un potentiel électrique, donc un champ électrique. Et à un moment donné, ça va pas rester là, à l'infini, là. Il faut comme décharger ces particules chargées, là. Et ça fait une foudre, oui. Et d'accord. Ça, c'est précisément, c'est une décharge, ça. D'accord. Mais là, donc, c'est vraiment très... on a à peine le temps de le voir, en fait, ce plasma-là, là, l'éclair, on a à peine le temps de le voir. C'est rapide, ouais. Mais il y a d'autres types de plasma qu'on a davantage le temps de voir, oui. Et même d'observer, et même d'admirer, parfois. En fait, ici, au Québec, on a la chance d'avoir ce qu'on appelle les aurores boréales. Ouais. Ça, c'est magnifique. C'est plutôt au nord, finalement, qu'on les voit. Et ça, c'est... Là encore, on est face à un autre type de plasma. C'est des particules du soleil. C'est des particules du soleil qui sont éjectées du soleil et qui arrivent finalement proches de la magnétosphère, donc du champ magnétique terrestre, et sont conduites vers les pôles. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer? C'est que les particules chargées vont faire des collisions, et ces collisions avec d'autres particules vont créer des ions, des électrons. Et là, en fait, on va avoir du plasma. Et cette émission lumineuse qu'on voit, c'est un peu la signature qu'on peut avoir d'un plasma. C'est-à-dire? Que ça veut dire, cette signature? En fait, un plasma sans lumière, ça n'existe pas. Hein. Quand on voit un plasma, on a toujours cette lumière émise par la matière, parce qu'on va avoir ces collisions, on va absorber cette énergie. À un moment donné, les molécules ou les atomes qui absorbent cette énergie, il faut que la relâche, parce que c'est pas un état stable. Et quand on relâche cette énergie, on va créer ce qu'on appelle des photons. Et les photons, en fait, c'est la lumière. Ouais. Et selon les types de énergie, donc est-ce qu'on avait des électrons qui allaient très très très vite, ou est-ce qu'on avait des électrons qui allaient très lentement? Est-ce que ces électrons ont fait une collision avec l'azote ou l'oxygène ou l'eau? Finalement, on va avoir différents types de transitions énergétiques. Donc, on va comme avoir une énergie qui est absorbée différemment. Et quand on va avoir la réémission, l'émission des lumineuses à cause de cette désexcitation de l'oxygène, de l'azote ou de l'eau, là, en fait, on va avoir différents types de photons. Donc, différents types de couleurs et différents types de lumière. Et pour ça, finalement, que les aurores boréales sont plutôt soit vertes, soit rougeâtres, c'est long. Ça veut dire donc, ça trahit quel élément, justement? Est-ce qu'on sait? Dans l'air, en fait, on se retrouve avec de l'azote et de l'oxygène. Et donc, finalement, ça trahit la présence de quelque chose qui est plutôt avec de l'azote ou plutôt avec l'oxygène. Mais surtout aussi, ça trahit... le type d'énergie, parce que si on est un peu plus haut en atmosphère, les particules ont différents types d'énergie lorsqu'on est un peu plus bas sur... Donc on va avoir finalement des collisions plus ou moins énergétiques et donc des couleurs plus ou moins vers l'ultraviolet ou l'infrarouge. D'accord. Et si on revient sur Terre carrément, parce que là, Jacopo, tu nous as parlé des nébuleuses, des aurores boréales, de la foudre, tout ça, c'est des phénomènes qui se passent quand même pas juste en face de nous, mais on peut en voir vraiment dans notre vie courante, on peut en voir vraiment tout proche là, des plasmas. C'est possible, effectivement. On parle souvent de... Au feu ou à une flamme de la bougie. On se pose la question, finalement, si certains phénomènes physiques qu'on peut voir sont des plasmas ou pas. Et si on prend l'aspect de la flamme, ça, c'est pas une question très facile à répondre. Et la bonne réponse pour les personnes qui nous écoutent, c'est ça dépend de la température. Finalement, une bougie, c'est quoi? C'est une combustion, c'est une réaction chimique exothermique, c'est on relâche de l'énergie sous forme de chaleur et on a ce qu'on appelle un combustible et un comburant. Donc on peut avoir par exemple du gaz, du méthane et de l'oxygène qui vont finalement brûler ensemble pour faire une petite flamme. Et ben ça, ça dégage de la chaleur. Si cette chaleur, elle est pas très haute, par exemple dans une chandelle, on est autour de 1500 degrés à peu près là. Ben là, il y a pas de plasma, il y a pas suffisamment de ionisation, il y a pas suffisamment de détachement des électrons et des formations de ions pour pouvoir définir une quantité suffisante des particules chargées et dire ah ben ça c'est un plasma. Ah. C'est un peu comme l'histoire de l'air, en fait. Hein. On a des ions et des électrons, mais il n'y en a pas suffisamment pour dire ça, c'est un plasma. Okay. Par contre, on va prendre de l'acétylène, par exemple, qui est notre gaz. On va faire un autre type de chandelle, entre guillemets. Ouais. Rassurez-vous, on n'est pas en train de faire ça en vrai au micro, là. Là, finalement, là, la température peut monter jusqu'à 3000 degrés Celsius. Ah oui. Là, c'est légèrement plus haut. Là, on a suffisamment d'énergie thermique pour augmenter le nombre de collisions et finalement créer un état plasma. Donc la vraie réponse à ta question, c'est bah oui, on peut le voir tous les jours. Est-ce qu'on a un chalumeau ou pas? Ça, c'est la vraie question. Ça, ouais. Et ça dépend en fait du type de plasma, du type de flamme. De type de flamme. Ouais. Et donc ça, c'est pour une chandelle avec de l'acétylène. Donc c'est pas quelque chose qu'on fait très souvent. Non, je comprends. C'est pas vraiment quelque chose qu'on fait tous les jours, non, ouais. Effectivement. Et pour le bois qui brûle, est-ce que c'est du plasma aussi? Non, pas vraiment. Non, pas vraiment. Pas vraiment, pas vraiment. Là, il y a beaucoup de discussions dans la communauté scientifique. Ah là, oui. Ils sont encore en train d'être en fight. Est-ce que c'est un plasma, c'est pas un plasma? Si on regarde la partie, la description qu'on donne aujourd'hui d'un plasma, la couleur qu'on voit, en fait, cette couleur rougeâtre ou jaunâtre, c'est un peu comme un petit peu voir le grille-pain qui chauffe la résistance. Donc, ce qu'on voit là, c'est des particules partiellement brûlées, finalement, qui n'ont pas eu une combustion complète, qui sont tellement chaudes qu'ils vont être en fait incandescentes et qui vont émettre de la lumière. Donc, c'est un comportement naturel dans la combustion. Mais on n'a pas suffisamment de température pour avoir des collisions et des ionisations pour avoir un plasma. Donc, la plupart du temps, je dirais, non, pas vraiment. D'accord. Mais c'est pas une question facile. Ouais, c'est pas une question facile apparemment. Mais en tout cas, on comprend un petit peu l'histoire. Donc venons-en maintenant, parce que là on parle de plasma, avec des exemples plus ou moins proches, mais il y a quand même une utilisation du plasma dans l'industrie. D'ailleurs, toi, chercheur entrepreneur, tu as une certaine utilisation du plasma pour tes propres projets industriels, d'ailleurs. Oui, il y en a plein, en fait, aujourd'hui. La chose intéressante avec le plasma, c'est qu'il y a deux types de communautés. Ceux qui n'ont jamais entendu parler de plasma et ceux qui ont entendu parler de plasma pour je ne sais pas quel type de raison. Là. Mais disons, on ne se rend pas compte le nombre d'applications, de produits qui ont vu le plasma un jour ou l'autre. La première chose qui vient à ma tête, là, c'est la microélectronique. Ouais. Dans la production des processeurs, finalement, de tout ce qu'on retrouve dans nos smartphones, nos téléphones, nos ordinateurs, là, il y a de la microélectronique. Et le procédé de fabrication de ces produits, on le fait grâce au plasma à 40-45% du temps. En fait. Le 40-45% du temps, en fait, finalement, c'est le plasma qui rend efficace la modification des matériaux pour arriver à certaines efficacités au niveau du produit pour avoir ce qu'on a dans la microélectronique. Pour avoir ses propriétés. Oui. Donc, mais en fait, quand, là, tu parles de transformation du matériau. Ça veut dire, qu'est-ce qui fait le plasma? Il arrive avec sa chaleur, avec ses électrons, il transforme le matériau? Qu'est-ce qu'il fait? Il y a plusieurs choses qu'on peut faire. Je dirais que ce qu'on peut faire, on peut enlever de la matière ou déposer de la matière. Le plasma, la plupart du temps, c'est une modification de surface, d'extrême surface. On a un produit, par exemple les lunettes. Les lunettes, on les achète, il y a une correction optique, mais quand on les achète, on nous pose la question, est-ce que voulez-vous avoir anti-reflet, la propriété anti-reflet ou au filtre UV, par exemple. Ou anti-buée, par exemple. Ces types de petites propriétés additionnelles, ce sont des propriétés de surface de la lentille qui ne vont pas affecter les propriétés de volume, donc de correction optique pour l'œil. Et donc c'est ça, le plasma va amener une modification de surface extrême, soit en enlevant de la matière, soit en ajoutant de la matière. On part des couches qu'on appelle nanométriques, donc c'est du 10 puissance moins 9, 1000 fois mètre, 1000 fois plus petit qu'un cheval en fait. et ça amène des propriétés supplémentaires. Donc, si on enlève, on appelle ça de la gravure. Et en microélectronique, par exemple, ce qu'on fait, c'est qu'on est capable de faire des petits trous, on va appeler ça comme ça, très, très, très, très petits, nanométriques, mais très profonds, de l'ordre de micromètres. Et cette capacité à faire ce genre de structure nous permet de produire des MEMS, on appelle ça. C'est des systèmes qui sont utilisés, par exemple, pour les petits accéléromètres, en fait, qu'on a dans les smartwatches, par exemple. Ou ça nous permet d'avoir aussi d'autres applications dans d'autres domaines qu'on retrouve aujourd'hui un peu partout, en fait. Donc ça, c'est la microélectronique. Mais finalement, il y a aussi d'autres applications qui sont bien plus faciles que ça. Si on regarde, par exemple, les turbines en avion. Turbines en avion, c'est des alliages métalliques, mais qui, par contre, subissent une température très, très, très, très, très importante. Et dans ces cas-là, on a besoin d'avoir ce qu'on appelle des barrières thermiques, des matériaux de protection du métal qui, en fait, empêchent au métal de fondre et augmenter la résistance finalement à l'utilisation de ce type de turbine-là. Là, je fais un petit clin d'œil à un de mes collègues, Christian Moreau, qui est un grand professeur à Concordia. Lui travaille beaucoup avec ça. Mais ça, on peut le faire avec du plasma. On en projette des particules céramiques à la surface d'alliage métallique et on fait ces couches-là. Et ça, on le fait vraiment aujourd'hui dans des avions d'aujourd'hui, finalement. On a une compagnie, Pratt Whitney, qui est pas très loin de Montréal, je pense. Je ne me trompe pas là. Et eux utilisent plein de plasmas pour faire ça. Mais comment on fait ça, un plasma? Comment on fabrique un plasma, en fait? Un laboratoire, on n'a pas accès au soleil, donc on peut pas avoir le soleil. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on prend un bon générateur électrique, on a de l'électricité ici au Québec, on va mettre deux plaques de métal, donc ce qu'on appelle deux électrodes, face à face, et on va appliquer ce qu'on appelle un potentiel électrique entre ces deux plaques. Arrivé à une certaine valeur de potentiel, ben on a ce plasma, on a ce qu'on appelle un claquage du gaz. Pourquoi ça? C'est parce que ces petits électrons que je disais tout à l'heure, qui sont dans l'air, ben on va les accélérer dans le champ électrique. Et en les accélérant, ils vont faire des collisions. Ces collisions vont produire d'autres électrons. Et à un moment donné, s'il y a suffisamment d'électrons et d'ions, ben là, on est passé d'un gaz avec un petit peu d'ions et d'électrons à un gaz très ionisé, et ça, c'est un plasma. D'accord. Donc, un gros générateur, une grosse génératrice éventuellement. Là, on fait de la foudre, finalement. Et on peut faire... c'est clair, on peut faire la foudre. C'est ça. Donc, il y a la différence de potentiel, comme dans la foudre, comme les éclairs. Exactement. D'accord. Et on peut faire ça avec... là, tu parles, dans le cas des avions, on envoie des particules de céramique. C'est parce que c'est du plasma de particules de céramique? On peut faire plein de choses. Dans ces cas-là, ce qu'on fait, c'est qu'on envoie les particules solides, par exemple. Elles vont fondre, mais partiellement, pas complètement. Et quand elles impactent la surface des métaux, elles vont faire ce qu'on appelle un effet splash. Et finalement, on va avoir plein de splash de particules et on va construire cette couche mince à la surface du métal. Ça, c'est une possibilité. Sinon, on pourrait imaginer d'émettre une molécule organique, par exemple, méthanol ou éthanol, par exemple, dans le plasma, la casser, là, ce qu'on appelle fragmenter, et déposer ces fragments à la surface d'un matériau pour lui apporter des propriétés supplémentaires. Par exemple, anti-reflet. Ah oui, par exemple. Par exemple. Ouais. Là, il y avait certaines choses que tu expliquais, Jacopo, dans les usages des plasmas dans la fabrication industrielle qui me faisaient penser au laser. Mais c'est deux façons complètement différentes. C'est quoi, finalement, une question vraiment naïve? Est-ce que ce qu'on peut faire avec le plasma, on le fait avec le laser? Est-ce que ça agit de la même façon ou deux trucs différents? C'est deux physiques complètement différentes. Il y a des points communs. Les lasers, laser en fait, ça signifie light amplification by stimulate emission of radiation. Ça, c'est de la lumière stimulée qu'on va amplifier. Donc fondamentalement, le laser, c'est de la lumière. Dans le plasma, on a aussi de la lumière parce qu'on la voit, on voit des couleurs là, mais on n'a pas que de la lumière. On va voir aussi des collisions entre atomes et molécules et électrons qui vont jouer aussi un rôle. Je dirais que le laser, c'est un petit peu plus contrôlé, un peu plus précis, mais avec des applications beaucoup plus de niches, quand le plasma peut s'appliquer éventuellement à beaucoup plus de choses, mais c'est un peu plus compliqué de le contrôler. Ah ouais. il faut vraiment faire attention et faire les choses comme il faut, proprement. Parle-moi maintenant, Jacopo, des projets de recherche, parce que là, donc, tu es assistant de recherche à l'Université Laval. Je suis vraiment chercheur. Chercheur à l'Université Laval. Oui. Donc, sur quoi portent tes projets de recherche? Alors, dans l'équipe de recherche dans laquelle je travaille, l'équipe ici à l'Université Laval, elle est connue beaucoup pour des applications biomédicales, pour faire des biomatériaux. On a tous entendu parler des prothèses, par exemple, mais quand on met un objet un peu étranger dans le corps, là, il faut que les cellules puissent le reconnaître et puissent l'intégrer bien, sinon ben, on ne peut pas le laisser longtemps dans le corps. Donc, l'équipe de recherche, qui est une équipe historiquement porté par le professeur Gaëtan Laroche et maintenant aussi beaucoup le professeur Diego Mantovani, il travaille beaucoup sur ces aspects-là. Moi, personnellement, je me focalise beaucoup plus sur des applications environnementales. Typiquement, je travaille sur des applications pour modifier le papier. J'ai travaillé avec ça beaucoup avec le professeur Luc Stafford de l'Université de Montréal. On essaie de modifier le papier et avoir un peu un papier un peu plus intelligent, on va dire ça comme ça. Quand on prend le carton qui est utilisé pour les pizzas, par exemple, les packaging des pizzas, là, on a une petite couche qu'on met, ça c'est une couche à base de molécules de fluor, on appelle ça des PFAS, je pense. Et c'est pas très très bon ça, pour la santé. Là. Donc on essaie de proposer des alternatives qui sont meilleures et qui ont les mêmes propriétés, voire des meilleures propriétés. Donc le papier, je travaille avec Véronique Landry du département de foresterie ici à l'Université Laval pour modifier le bois, par exemple. Le bois qui est une ressource québécoise très intéressante, mais qui a besoin quand même des modifications des surfaces pour pouvoir résister à les gratinures, par exemple, ou pouvoir résister au feu, par exemple. Récemment, on a publié un article pour augmenter la résistance du feu avec des couches minces plasma. Et plus récemment, on est en train de travailler beaucoup sur le photovoltaïque organique. Ici, je ne sais pas si tu sais, mais il y a une très jolie compagnie qui s'appelle Brilliant Matters. Je ne connais pas. Ils font des panneaux photovoltaïques, des matériaux pour les panneaux photovoltaïques solaires organiques. Et là, on est en train de travailler avec un professeur qui s'appelle Mario Leclerc. C'est ça, Mario Leclerc, électronique flexible. On est en train de travailler ensemble pour essayer de voir comment on peut améliorer les procédés de fabrication. Et puis Jacopo, il ne reste pas beaucoup de temps, mais je veux que tu nous parles aussi de ton entreprise. Je disais au début que tu étais chercheur-entrepreneur, donc tu as une entreprise qui s'appelle Calego. Quelques mots, que fait cette entreprise? C'est mon petit bébé là, que je porte depuis 2 ans là, dans le ventre. On travaille avec ça. Donc j'ai une collègue, toujours à l'Université Laval, elle s'appelle Marine Kefelou. Avec elle, on a décidé de prendre un des brevets que j'ai déposé. Donc c'est un brevet pour la modification des lentilles et avoir des propriétés anti-buées. Et on essaie de vouloir prendre cette technologie-là et la sortir du laboratoire. C'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur. C'est cette partie des transferts technologiques, de pouvoir en fait développer de la science, la partager comme on fait aujourd'hui, mais aussi la partager en la transférant à l'entreprise, aux entreprises locaux, en fait, pour pouvoir vraiment valoriser l'innovation. Donc là, ce qu'on fait, c'est qu'on s'amuse à prendre du verre, du saphir ou du plastique et modifier l'extrême surface pour que ces matériaux transparents puissent être facilement résistants à la buée. On en a vu tous, pendant la pandémie, on portait tous des masques. Ah oui, de la buée toujours dans nos lunettes. Exactement. Donc si un jour mon entreprise fonctionne, je pourrais éventuellement traiter tous les lunettes de tout le monde pour enlever la buée. Voilà, bah écoute, Jacopo, il faudra que tu reviennes à l'émission pour nous parler plus en détail donc de ton entreprise. Avec plaisir. Plus en détail aussi des projets que tu mènes à l'université et puis donc de ces futures lunettes anti-buée. Ça sert avec plaisir. C'est toujours passionnant de partager ce qu'on fait ici au Québec, au niveau universitaire, au niveau entrepreneurial. Mm-hmm. Alors, merci beaucoup, Jacopo, donc, pour cette première visite à Futur Simple. Merci à toi, Valérie. Merci à tout le monde. Alors, nous étions en compagnie de Jacopo Profilé, qui est donc chercheur, entrepreneur, affilié à l'Université Laval et également membre du Centre québécois sur les matériaux fonctionnels.